sage médecin. Vous ne pouvez guérir par vos grands mots latins la douleur qui me désespère. Votre plus haut savoir n'est que pure chimère. Au berger pour qui je soupire et qui seul peut me secourir. Ne prétendez pas le finir, ignorant médecin, vous ne sauriez le faire. Votre plus haut savoir n'est que pure chimère. Que vous connaissez l'admirable vertu, pour les maux que je sens n'ont rien de salutaire. Et tout votre caquet ne peut être reçu que d'un malade imaginaire. Votre plus haut savoir n'est que pure chimère. Vains et peu sages médecins, vous ne pouvez guérir par vos grands mots latins la douleur qui me disait.